Monsieur, bonjour. Bonjour, un café, s'il vous plaît. Un café. Voilà, monsieur, 3 euros. Tenez. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, vous désirez ? Qu'est-ce que vous avez comme sandwich ? Comme sandwich, il y a jambon au fromage. On a aussi des croques, monsieur. Je vais prendre un croque, monsieur. Et comme boisson ? Un demi, s'il vous plaît. Heineken, 1664, Amstel ? Une 1664. Alors, une 16 et un croque, monsieur. Voilà, monsieur. 9 euros, s'il vous plaît. Tenez. Merci, bon appétit. Merci.